si m'bois tout ça, tout ça, tout ça. Aïe, aïe, aïe, aïe. Fais ça doux, doux, doux, et tu as tout pour toi. Je vois si ouais ma langue, je te donne un doigt. Ah, gardez qui j'en qu'a baissé ça. Ah, gardez qui j'en qu'a levé ça. Lolo en jouant ou qu'a mangé ça. Eat, eat, eat. Quelqu'un s'y lève, ma qu'a mangé ça. Ça cuit, ça cuit. Des souverains si gros comme on qu'a bougé ça. Ah, c'était un qu'a monté aux amis qui j'en qu'a mangé ça. Lolo en jouant ou qu'a mangé ça. Eat, eat, eat. Quelqu'un s'y lève, ma qu'a mangé ça. Ça cuit. Et souvent si quoi comme on va bouger ça. Ah c'était un qu'elle monte aux amis qui j'en yoga manger ça. En bas vente en bas lui qu'un blé. Ou pas crier femme en bas qu'à mander. Biche la bonne qu'à fin nandé. A qu'à vrai mec à casser yandé. Tout choqué c'est pas bandé. Faut sous c'est faut pas mander. Avec deux doigts je te fais mouiller. Sous comprendre ouais ouais c'est j'ai. Salon on le satigé. Je sais où sont tous ton point G. Dans ta coucoun je sais nager. Et dans ta mimine je sais plonger. Si m'bret tout ça tout ça tout ça. Lolo en chouba ou qu'a manger ça. Eat, eat, eat. Quelqu'un s'y lève, ma qu'a manger ça. Ça cuit, ça cuit. Des souverains si gros comme on qu'a bouger ça. Ah c'était un qu'a monté aux amis qui j'en yon qu'a manger ça. Lolo en chouba ou qu'a manger ça. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Quelqu'un s'y lève, ma qu'a manger ça. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Des souverains si gros comme on qu'a bouger ça. Ah c'était un qu'a monté aux amis qui j'en yon qu'a manger ça. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Au soir là c'est mauvais temps. Minou y vais si mouvant. Manquez mon choc à qui pis m'en faut pas ou courir. C'est pour me pour pambi, m'en dit on s'élevine ou ni. Si coca y'a qu'à les jumpy, que savent qui moun qui spicy. En baissé et canté, six dirty, maîtrisé. Ça tremble, m'a qu'à garder, m'a qu'à jouer, qu'à exciter. Ou les toucher, concentré, ou qu'à bander, sous paré, m'a qu'à coqué. Et spicy. Lolo en chouba ou qu'à manger ça. Eat, eat, eat. Quelqu'un s'y lève, m'a qu'à manger ça. Ça cuit, ça cuit. Des souverains si gros comme on qu'à bouger ça. Ah c'était un qu'à monter aux amis qui j'en yon qu'à manger ça. Lolo en chouba ou qu'a manger ça. Eat, eat, eat. Quelqu'un s'y lève, m'a qu'a manger ça. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et souvent si gros comme on qu'a bouger ça. Ah c'était un qu'a monter aux amis qui j'en yon qu'a manger ça. Non ma boue, moi ayant du coquet. Oui mais bébé, aïe, aïe, aïe. Non ma boue, moi ayant du soucé. Oui mais bébé, aïe, aïe, aïe. Tout bon coquet, pas ni pétaillé. Quand t'es couvent, on vit ni pompier. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Laisse-moi passer, oui bébé, c'était adieu là. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Lolo en chouba ou qu'a manger ça. Eat, eat, eat. Quelqu'un s'y lève, m'a qu'a manger ça. Ça cuit, ça cuit. Des souverains si gros comme on qu'a bouger ça. Ah c'était un qu'a monté aux amis qui j'en yon qu'a manger ça. Lolo en chouba ou qu'a manger ça. Eat, eat, eat. Quelqu'un s'y lève, m'a qu'a manger ça. Ça cuit, ça cuit. Des souverains si gros comme on qu'a bouger ça. Ah c'était un qu'a monté aux amis qui j'en yon qu'a manger ça.